Toi tu joues des gars, je veux faire sans patente. ML, merde. Sont là pour fracasser, pas d'acte, là pour jacasser. Si tu veux qu'on sait pas tracasser la taille, on décolle ici sur l'album avec la musique tight. Aucune m'entraide, et nous sommes nos propres maîtres. Pas de position, à ce qu'on prenne position. Même affiliation sur composition. J'ai évolué, c'est plus qu'une façon de m'exprimer, c'est une façon de respirer. Parfois je me sens comme un laissé pour. Dans ce bois asocial, crisser les murets qui m'entourent. Par terre est une tâche quotidienne à laquelle je dois m'atteler. Ils vont me faire marteler par tous ceux qui sont prêts à me crucifier, à me lapider, à me faire éventrer sur le bord d'un quai. C'est pour ça que je me donne comme mission de rester réveillé, comme un petit enfant émerveillé. Pas de question de me laisser en murmurer, en murmurer. C'est avec force qu'on avance, on s'efforce à défoncer les murs comme un rhinocéros. Explosion dans le décor, une tonne de TNT dans une mine d'or. C'est avec force qu'on avance, on s'efforce à défoncer les murs comme un rhinocéros. Explosion dans le décor, une tonne de TNT dans une mine d'or. Je me promène dans les rues, pis ce que j'écoute c'est les murmures. Ceux qui sont pas murs, pis ceux qui portent encore l'armure. Comme le roi Arthur, par peur de perdre leur fémur et leur fière allure. Se prendre pour Benno, c'est pas drôle, j'te jure. Se mettre des bâtons dans les roues, c'est pas fort, c'est sûr. Avancer comme ça, c'est plutôt reculer. Au fond, ce que je sais, qu'on est seul au monde. On est seul, on meurt seul. Pis tout ce qu'on peut faire, c'est s'arranger pour chiller tranquille. Dans son coin, s'arranger pour pas cesser imposer dans sa vie des murs. Que ce soit la grande muraille de Chine, ou le mur de Berlin, ou à plus petite échelle les lois, à respecter. Au quotidien, tel un dossier serviteur du système, tu t'aliènes. Mais si tu veux t'en sortir, rappelle-toi qu'il y a que toi qui peut tout fracasser, colisser par terre violemment. Comme une étoile qui explose dans le firmament et qui retombe en poussière fragmentaire sur la terre. C'était une prière jetée à la mer, C'est avec force qu'on avance, on s'efforce à défoncer les murs comme un rhinocéros. Explosion dans le décor, une tonne de TNT dans une mine d'or. C'est avec force qu'on avance, on s'efforce à défoncer les murs comme un rhinocéros. Explosion dans le décor, une tonne de TNT dans une mine d'or. Les deux pédales sortent sur le bord de la plage. J'aperçois une bouteille avec un message à l'intérieur, une prière pas celle qu'on retrouve dans un message. Catholique, pas catholique, plutôt logique, miroir de la réalité. À mon tour, je laisse ma trace, j'écris mon parchemin parmi mes mille chemins. J'ai dû emprunter plusieurs sans y passer. Maintenant, très passé, maturité atteint. Je laisse pas le train passer. Devant moi, vous vous soulevez comme des murailles. Ma quête, c'est de vous faire souffrir atrocement à coups de fort. Et enterrer vos os, ma profondément dans les entrailles. Ma rage, ça va faire mal, vous allez pas la recevoir par la malle. Comme une bactérie postage, perds les pédales, telle une fleur et ses pétales. Je fends devant l'opposition, je rentre pour l'expansion dans une mer à beaucoup de tension et peu d'intervention. À mon aide, pris dans cette bourrasque, enfile mon masque, je me protège. Dans ce sortilège que j'abrège, j'étouffe, incarcéré dans ce gouffre. Mon souffle est positif, proche des murs, mon moyen décisif. Fais les adversaires dans ma conquête, c'est dispositif répétitif. Et les adversaires dans ma conquête, c'est dispositif répétitif. On avance, on s'efforce à défoncer les murs comme un rhinocéros. Explosion dans le décor, une tonne de TNT dans une mine d'or. Dans une mine d'or.